Je fume des tops en venant de Rouyn-Noranda. J'suis allé donner un show au FME en même temps que Carquois. Y'avait 15 personnes dans le public. La moitié du monde, c'était du monde du bord. Le reste du monde, c'était du monde du Manitoba. Savais fuck all, c'était qui Carquois. Chanteur de l'underground, du sous underground. Chanteur de l'underground, sous underground. En montant à Rouyn-Noranda, j't'ai arrêté dans le premier bureau en gros. Tu as acheté une tour de CD. J'avais traîné mon laptop au cas où. Puis en allant me gazer à Amos, j'ai eu le temps de me graver deux ou trois CD. Mais finalement, à la fin de la soirée, mes deux, trois CD étaient restés dans mon char. Chanteur de l'underground, du sous underground. Chanteur de l'underground, du sous underground. Finalement, à la fin de la soirée, j'allais faire un tour au centre-ville. Y'a personne qui savait j'étais qui. J'ai fini la soirée chez Maurras, en tête à tête avec une grosse. Une grosse poutine de chez Maurras. J'avais gardé ma passe autour du cou. En tout cas, je peux dire qu'à Rouyn, y'a une fille qui est sûre que coucher avec le drummer de Carquois. Chanteur de l'underground, sous underground. Chanteur de l'underground, sous underground. Chanteur de l'underground, sous underground. Chanteur de l'underground, sous Je te souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. On se revoit dans un autre mini-concert un soir, quand ça donnera, quand on aura le cœur à ça. Et soyez bons avec les autres. Soyez bons. C'est tout ce que je demande. Merci, salut!